Vous écoutez Futur Simple avec Valérie Levée et François Grégoire. Et François, si je te dis que tu as une cervelle d'oiseau, qu'est-ce que tu me réponds? Je te dirais, Valérie, que j'ai une mémoire d'éléphant et que toi, tu n'as qu'une tête de linotte. Et moi, je te dirais, ben, qu'en sais-tu? Sais-tu seulement ce qu'il se passe dans la tête d'un éléphant ou d'une linotte? François, en fait, pas plus que moi, nous ne savons ce qu'il se passe dans la tête des animaux. Mais François Y. Doré, lui, en a une bonne idée. Il est professeur émérite au département de psychologie à l'Université Laval et il a publié cet automne aux éditions Multimonde un livre intitulé « Dans la tête des animaux ». Et nous sommes très heureux de l'accueillir pour qu'il nous parle de ses travaux sur ce qu'il se passe dans la tête des animaux. Bonjour Monsieur Doré. Alors vous êtes à l'école de psychologie et vous écrivez un livre sur les animaux. C'est un petit peu insolite. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qui vous a amené des études en psychologie à travailler sur les animaux. J'ai toujours été fasciné par les animaux. Pendant que certains de mes amis collectionnaient les papillons et les piquets sur des morceaux de bois, moi, j'observais le comportement des animaux. Et j'ai hésité pendant longtemps entre la biologie et la psychologie. Et c'est à la fin de ma dernière année de collège où mon professeur de psychologie m'a ouvert la porte en me décrivant les possibilités de recherche sur le comportement des animaux. Et je suis allé en psychologie, pas pour travailler sur l'humain, pas pour devenir psychologue, pour vraiment faire de la recherche sur les animaux. Donc, vous aviez entrevu un pont possible entre la psychologie et les animaux, le comportement animal. Oui, la biologie. J'ai suivi quelques cours de biologie au travers de ma formation, mais j'ai vraiment fait toutes mes études en psychologie. Et toutes vos études en psychologie, vous êtes à l'école de psychologie, mais vous avez votre travail de recherche à porter sur le comportement animal? Oui. D'accord. Et donc là, vous abordez dans votre livre, donc j'en répète le titre, « Dans la tête des animaux », donc vous abordez plusieurs thèmes sur les capacités cognitives. Quand on parle de ce qui se passe dans la tête des animaux, on peut sous-entendre les capacités cognitives. Donc on peut en citer quelques-unes. Il y en a plusieurs dans votre livre, mais vous parlez par exemple d'orientation spatiale, comment ils font pour se repérer, d'apprentissage, de relations sociales. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire un petit peu ce qui se passe dans la tête des animaux au cours de ces différents capacités cognitives? Commençons par exemple par l'orientation. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des animaux quand ils se repèrent dans leur milieu? Il y a deux grandes catégories de comportements spatiaux. Il y a quand l'animal se déplace dans son milieu habituel, ce qu'on appelle le domaine vital. Et là, il y a différentes façons de s'orienter. Par exemple, chez les fourmis vont utiliser le soleil. Mm-hmm. Et ils ont une espèce de podomètre dans leur cerveau qui calcule le nombre de pas qu'ils ont fait, de sorte que quand ils quittent le nid, ils peuvent revenir grâce à ce système-là. Il y a des guêpes qui vont reconnaître des repères, ce qu'il y a autour de leur nid. Et il y a les mammifères, souvent utilisent deux systèmes, un système de repères et un système qu'on appelle une carte cognitive, une sorte de carte mentale, mm-hmm. où ils ont enregistré les propriétés et les relations entre les objets dans l'environnement. C'est ce qu'on fait nous-mêmes quand on se déplace dans l'espace. L'autre aspect, c'est l'aspect migration. Mm-hmm. Ils sont sur de longs parcours. Un exemple classique, c'est le saumon atlantique qui revient à sa rivière natale à l'âge adulte pour se reproduire en se remémorant l'odeur de sa rivière de naissance. À l'inverse, il y a les anguilles qui, elles, naissent dans l'océan, dans la mer des Sargasses, près des Bermudes, mm-hmm. et qui s'en vont vivre leur jeunesse le long des côtes de l'Amérique centrale jusqu'au Groenland et qui retournent pour se reproduire dans la mer des Sargasses. Et une équipe de l'Université Laval de biologistes et d'océans Océan et Pêche Canada ont montré que probablement qu'ils utilisent les champs magnétiques pour s'orienter, tandis que le saumon atlantique, c'est l'odorat. Il y a différentes formes de moyens pour la migration. Dans le cas des éléphants, c'est la mémoire de la matriarche qui a déjà fait les parcours et qui guide le troupeau vers les points d'eau qui peuvent être situés très loin. Donc là, il y a vraiment avec la mémoire, là, on comprend vraiment qu'il y a une capacité un petit peu cognitive. Oui, mais quand on parle de mémoire des odeurs, par exemple pour le saumon qui se rappelle de l'odeur de sa rivière de naissance, est-ce qu'on parle encore de capacité cognitive? Oui. Dans la cognition, on inclut la perception, l'attention, L'apprentissage, la mémoire et bien sûr l'intelligence. D'accord. Donc justement, vous parlez d'apprentissage, donc les animaux apprennent aussi certaines choses, des fois peut-être en copiant ou en imitant le comportement de leurs parents ou de leurs congénères, ou est-ce qu'ils sont capables d'apprendre par eux-mêmes, de leur propre expérience? La plupart des animaux, même les animaux les plus simples, apprennent de leur expérience. Évidemment, les formes d'apprentissage sont plus ou moins compliquées. Une des formes les plus simples d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage perceptif. Par exemple, quand un caneton reconnaît sa mère pour la suivre, une autre forme d'apprentissage simple, c'est l'habituation. L'habituation, c'est d'apprendre à ne pas répondre à ce qui est inoffensif ou anodin. S'il fallait que les animaux réagissent à chaque fois qu'il pleut ou qu'il y a du vent, les stimulus, là, ils seraient nerveux de façon permanente. Ouais, une autre forme d'apprentissage individuel, c'est le conditionnement classique, le chien de Pavlov qui apprend à saliver au son d'un diapason, alors qu'un diapason, ça ne déclenche pas normalement la salive. Il y a le conditionnement instrumental aussi, qui est une technique qu'on utilise beaucoup pour dresser les animaux et dans l'éducation des enfants. La récompense en fait partie. Ça, c'est l'apprentissage individuel qui joue un rôle très important dans le comportement de la plupart des animaux. L'imitation, c'est une forme d'apprentissage social. L'apprentissage social est moins fréquent chez certaines espèces, mais chez les vertébrés, les mammifères, les oiseaux aussi. Ah oui, quand même. C'est pas juste chez l'humain et chez les grands singes. On le trouve aussi chez des oiseaux, des animaux, je dirais, entre guillemets, inférieurs. Moi, c'est pas un terme que j'utilise. Ouais, je trouvais pas le mot, là. Oui, ben, d'autres, non humaines, disons. Non humaines, c'est ça. Oui. L'imitation, c'est une forme d'apprentissage social. Il y a d'autres formes qui ont été étudiées plus récemment, comme ce qu'on appelle l'émulation. Dans l'émulation, l'individu va obtenir le même résultat que celui qu'il a observé, mais ne fera pas nécessairement la même chose. Le mimétisme, c'est le contraire. Il va faire la même chose, mais pas très au courant du résultat. Un exemple, c'est le chant des oiseaux. Le bruant à couronne blanche, par exemple, quand il apprend le chant, quand il vient de sortir du nid, qu'il entend le chant des oiseaux autour de lui, il apprend le chant de son espèce, mais il va l'utiliser seulement l'année suivante. Ah, c'est vrai? Parce que pour se reproduire et pour défendre son territoire. Donc, le mimétisme, c'est de reproduire, mais sans savoir exactement pourquoi. Mm-hmm. Tandis que l'imitation, c'est une combinaison de l'émulation et du mimétisme, où l'animal va reproduire ce qu'il a vu et reproduire le même résultat. Et l'imitation, il y a des degrés dans l'imitation. Par exemple, un jeune bébé imite très, très tôt, à quelques semaines, mais c'est quelque chose qu'il voit devant lui. Mais ce qu'on appelle l'imitation différée, un enfant, par exemple, qui va reproduire quelque chose qu'il a vu, par exemple, il a vu son père scier un bout de bois ou sa mère scier un bout de bois, ça peut être une femme aussi. Ouais. Il va le faire quelques heures après. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imitation différée, qui est beaucoup plus difficile à démontrer chez les animaux. Mais clairement, il y a des animaux qui imitent ce qu'ils voient. Dans l'apprentissage social, peut-être je vais surprendre plusieurs personnes, il y a l'enseignement. Oui. Est-ce que les animaux enseignent à leurs petits? Oui. Ça, c'est très, très difficile à démontrer parce que l'enseignement, ça suppose une intention de communiquer de l'information. Il y a des chercheurs astucieux qui ont établi, et c'est des critères très intéressants, trois critères pour dire qu'un animal enseigne à ses petits. Il va adopter un comportement différent en présence d'apprentis naïfs qu'en présence de congénères expérimentés. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'il va mettre du temps et des énergies à apprendre, à enseigner un comportement à ses petits sans que ça lui rapporte immédiatement. Ah oui, ça peut lui rapporter à long terme, mais immédiatement non. Et le troisième critère qui est le plus difficile à démontrer en nature, c'est que le jeune animal acquiert plus tôt le comportement qui lui a été enseigné que si le comportement ne lui avait pas été enseigné. S'il le faisait juste le copier ou le... Même le copier. Et quand on regarde ces trois critères-là, il y a le chat domestique où c'est clair que la chatte montre à ses chatons à chasser quand elle leur apporte une proie qui bouge encore et qu'elle attend. Le guépard a un comportement... La mère guépard a un comportement semblable. Et l'exemple le mieux démontré, là, je vais peut-être surprendre les gens, c'est pas les chimpanzés, c'est pas les primates, c'est les suricates. Mm-hmm. Vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs. Qui est un animal, un mammifère du désert du Kalahari, en Afrique australe, qui ressemble un peu à un chien de prairie, si on veut. Clairement, les adultes montrent aux petits à chasser les scorpions sans se faire piquer par l'odeur. Mm-hmm. Et c'est graduel. Ils commencent par leur apporter des scorpions auxquels ils ont enlevé le dard. Ah. Puis ensuite, ils leur amènent des scorpions entiers. Mm-hmm. Donc, ces trois cas-là sont bien démontrés. Mais on peut soupçonner que ça existe parce qu'on n'est pas capable de le démontrer jusqu'à maintenant. Par exemple, les chimpanzés. Chez les chimpanzés, il y a plusieurs comportements. On peut penser que les parents l'enseignent à leurs petits. Mm-hmm. L'apprentissage social aussi donne lieu à des traditions locales. Mm-hmm. Il existe chez les animaux des traditions. Par exemple, l'exemple que j'ai donné tantôt, du bruant en couronne blanche. Il y a un chant caractéristique de l'espèce, mais il y a aussi des dialectes locaux. Ah, d'accord. Ouais. Si vous changez de région, le chant se ressemble beaucoup, mais il y a des notes qui ne sont pas pareilles. Un cas assez connu, c'est le cas des macaques de l'île de Koshima au Japon. Un jour, il y a une jeune femelle. C'est une île, où, faut que je précise que c'est une île où les chercheurs ont établi une colonie de macaques. Mm-hmm. Et ils leur donnaient de la nourriture à l'occasion, dont des patates douces. Et un jour, il y a une jeune femelle, qui s'appelle Imo, qui a trempé la patate douce dans la mer. Mm-hmm. Est-ce que c'était pour la laver? Est-ce que parce que le goût salé était bon? On ne sait pas trop. Mais on s'est aperçu que ce comportement-là a été imité par les autres, en commençant par les plus jeunes, par les adultes. Ah. Et c'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Oui. Une autre des traditions locales, les chimpanzés pêchent des fourmis comme ils le font avec les termites. Mm-hmm. Ils prennent un bâton puis ils mettent ça dans la fourmilière pour attraper des fourmis. Mais il y a eu une étude qui a démontré que dans trois régions d'Afrique, la technique n'est pas la même. Ah, d'accord. Et qu'il y a une tradition locale que les chimpanzés de telle région procèdent de telle façon, dans une autre région, c'est d'une autre façon. Est-ce qu'on sait si ces trois groupes de chimpanzés ont appris indépendamment à utiliser le bâton, à utiliser un outil, ou si ça s'est transmis de groupe ça en Ça s'est transmis... La difficulté quand on parle d'apprentissage social, c'est est-ce que c'est de l'imitation ou autre chose? Et là, autre chose pouvant être, par exemple, je suis un chimpanzé qui ne sait pas comment attraper des termites dans une termitière. Je regarde faire mon collègue, mais est-ce que je l'imite ou est-ce qu'il a simplement attiré mon attention sur un bâton et sur le formulaire? Bon, c'est toujours la question... C'est probablement de l'imitation, mais il faut le démontrer. Donc, c'est des traditions qui se transmettent de génération en génération, c'est probablement de l'imitation. Mm-hmm. Un autre cas moins connu, ce sont les dauphins, le grand dauphin de l'océan Indien. À l'ouest de l'Australie, il y a... ce qu'on appelle Shark Bay. Il y a un endroit qui s'appelle Shark Bay. Et les dauphins à cet endroit-là, et seulement ces dauphins-là, quand ils vont dans le fond de l'eau et qu'il y a du corail ou qu'ils risquent de se blesser le museau en cherchant de la nourriture, ils vont chercher une éponge pour couvrir leur museau. Il y a seulement les dauphins de Shark Bay qui font ça, ce qui fait penser que c'est une tradition locale. C'est une tradition, sinon les autres l'auraient aussi. Oui, et il semble que ce soit la mère qui le montre aux petits. Donc là, c'est intéressant à travers ces exemples-là, parce que vous avez parlé aussi de l'usage des outils. Oui. Donc là aussi, ça peut-être que ça dénote aussi certaines capacités cognitives. Est-ce qu'ils le font avec vraiment l'intention? Est-ce qu'ils sont capables de visualiser? Est-ce que les chimpanzés sont capables de visualiser que quand ils mettent un bâton dans le trou de la termitière, ils vont aller en chercher une fourmi? Est-ce qu'il y a vraiment l'intention? Je vous dirais... Il y a d'autres exemples d'utilisation des outils. On voit des fois, ils tapent des noix avec des noix. C'est ça. Aussi, ils font des éponges avec des feuilles. Ils mastiquent des feuilles pour faire des éponges pour ramasser de l'eau, du miel ou de la sève d'arbre. Quand j'étais étudiant, ou quand j'ai commencé mes études en psychologie, on nous disait qu'il y avait trois comportements qui caractérisent l'intelligence humaine. La transmission sociale des connaissances, on vient de voir que il y a d'autres exemples. L'utilisation d'outils et le langage. L'utilisation d'outils, il y a eu des études dans les années 20 en laboratoire, mais le premier cas qui a été bien rapporté en nature, c'est Jim Goodall avec la pêche aux termites chez les chimpanzés. Et par la suite, il y en a eu plusieurs. On peut distinguer deux sortes d'utilisation d'outils. Des utilisations d'outils peu flexibles, où c'est pareil chez tous les individus, c'est typique à l'espèce, qui c'est plus ou moins inné. Un exemple, ce qu'on appelle le poisson archer, qui est un poisson qui va cracher de l'eau sur une branche pour faire tomber une mouche qui va ensuite gober la surface de l'eau. Mais tous les poissons archers font la même chose. C'est pas considéré comme une utilisation intelligente, mais bien que ce soit pas stupide, mais c'est pas une utilisation intelligente. Pour qu'on dise que c'est une utilisation intelligente, il faut qu'il y ait une certaine flexibilité dans le comportement. Il y a tous les cas qu'on a mentionnés avec le chimpanzé. Il y en a avec le corbeau calédonien. Un corbeau calédonien, par exemple, pour attraper des insectes ou des larves à l'intérieur de l'écorce d'un arbre, il va arracher une petite branche, enlever les feuilles, courber l'extrémité de la branche et s'en servir comme crochet pour aller débusquer les larves ou les insectes qui se trouvent dans l'arbre. Alors, c'est des exemples d'utilisation intelligente d'outils. Donc, on a vu, évidemment, les animaux n'ont pas développé la technologie au point où nous, on l'a développée. Mais c'est quand même surprenant, en tout cas pour quelqu'un qui a eu l'éducation que j'ai eue au début, c'est quand même surprenant qu'il y ait autant de cas d'utilisation, de fabrication d'outils chez les animaux. Il y a un cas qui a été rapporté récemment avec les chimpanzés, c'est sur le YouTube, où le chimpanzé brise l'écorce d'un arbre où il y a des abeilles en dessous, et pour aller au miel. Et il travaille avec plusieurs outils, il utilise un bâton pour briser, un bâton pour gratter, bâton pour aller chercher le miel, des bâtons différents. Et il peut faire ça, là, il peut aller jusqu'à 800, 1000 coups de bâton. Donc, il sait probablement ce qu'il y a en dessous de l'écorce, on ne peut pas en douter. Il y a plusieurs, j'aimerais qu'on avance un petit peu. Il y a plusieurs, donc dans votre livre, vous parlez de plusieurs exemples d'utilisation d'outils, vous parlez aussi de plusieurs. De changements un petit peu d'un comportement qui existe déjà, mais à un autre usage, comme avec les mésanges qui vont ouvrir les bouteilles de lait en Angleterre. Oui. Vous parlez aussi de communication, de relations sociales, comment les animaux communiquent entre eux, comment ils se reconnaissent aussi, s'ils sont capables de se faire des farces aussi. Je ne pense pas qu'ils vont jusqu'aux blagues, mais. Peut-être, on ne sait pas. Comment ils trompent, ils trompent pour pouvoir se garder de la nourriture pour eux-mêmes, etc. Mais à travers tous ces exemples, j'aimerais que vous me disiez comment est-ce qu'on fait pour déterminer, pour voir si le comportement qu'on observe est un comportement inné, donc vraiment déterminé génétiquement, ou alors si c'est un comportement qui résulte vraiment d'une analyse de la situation et de la mise en œuvre de capacités cognitives. Comment on fait pour distinguer les deux? D'abord, comme vous disiez, le poisson là, qui jette son jet d'eau, qui n'est pas capable de faire autre chose avec son jet d'eau. C'est plus vraiment un comportement programmé. Les comportements innés, je veux juste faire une précision, les comportements innés ne sont pas des comportements programmés génétiquement. D'accord. Mais évidemment, dans les comportements innés, la composante héréditaire est plus forte que dans les comportements appris, mais même les comportements innés sont affectés par l'environnement. Mais on reconnaît un comportement inné parce que tous les individus de l'espèce le font, parce que c'est stéréotypé, c'est très peu variable, c'est la même chose d'une fois à l'autre, d'un individu à l'autre. Tandis qu'un comportement appris ou intelligent, l'apprentissage peut faire partie de l'intelligence, c'est acquis au cours du développement de l'individu avec les expériences personnel qu'il a vécu. C'est un comportement flexible qui varie d'un individu à l'autre, d'une occasion à l'autre. À quel moment est-ce qu'on peut parler d'intelligence? C'est une question extrêmement difficile que vous me posez, parce qu'après 100 ans, il n'y a pas de consensus sur ce qu'est l'intelligence humaine et encore moins ce qu'est l'intelligence animale. Mais je vous dirais, il y a deux composantes. On peut résumer ça simplement en deux composantes. L'apprentissage, dont j'ai mentionné, qui est la capacité en étant exposé de façon répétée à une situation, à répondre adéquatement, et la résolution de problèmes. Et, à mon avis, l'intelligence comporte ces deux aspects-là. Être capable de résoudre des problèmes nouveaux, puis être capable d'automatiser ce qui se répète par l'apprentissage. Il y a on a encore quelques minutes. Pas beaucoup. Il y a une étude qui a été faite où on a comparé trois groupes d'animaux. Les corvidés, corneilles, corbeaux, les perroquets et les anthropoïdes, chimpanzés, bonobos, gorilles et orang-outans. Et ce qu'on a, en faisant cette comparaison-là, on a constaté que ces trois groupes, ce sont des animaux qui ont des cerveaux relativement volumineux par rapport à leur taille corporelle, qui ont un développement et une enfance prolongée, qui vivent longtemps, qui ont un habitat très fluctuant, dont la diète est composée d'aliments variés, éphémères et dispersés dans la nature, et qui vivent dans un groupe social complexe, même si le groupe n'est pas gros. Donc, c'est vraisemblable que l'intelligence a évolué en réaction à plusieurs défis auxquels les animaux sont confrontés et qui a conféré de la flexibilité à leur comportement. Oui, effectivement. Je pense qu'effectivement, c'est un bon point, la diversité du milieu et toute l'expérience de vie qu'on peut avoir quand il y a une bonne espérance de vie. On n'aura pas vraiment le temps d'en parler, mais j'aurais aimé aborder aussi ce thème-là avec vous. En fait, vous travaillez à l'école de psychologie et vous avez déjà publié aux éditions Multimonde un livre sur le comportement humain. Alors, j'aurais aimé savoir comment toutes ces études, ces observations sur le comportement animal, les habiletés cognitives, vous permettent d'appréhender le comportement humain. Mais en une minute, je pense que ça va être difficile de résumer ça. En une minute, je vais vous dire ça simplement. C'est de situer le comportement humain dans une perspective évolutive. Tous les animaux, y compris l'humain, sont le résultat de la sélection naturelle. Alors, ce livre-là porte sur le comportement humain vu dans une perspective évolutive. D'accord. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'en reparler plus en détail de ce transfert du comportement animal vers le comportement humain. Alors voilà, c'est une invitation à se plonger dans ces deux livres. Donc, je rappelle les titres, Dans la tête des animaux et Les origines du comportement humain et de la culture. Donc, tous deux parus aux éditions Multimonde. Monsieur Doré, merci beaucoup d'être venu au studio pour nous présenter vos recherches à travers ces livres. C'est moi qui vous remercie. Donc, nous étions en compagnie de François Y. Doré, qui est professeur émérite au département de psychologie à l'Université Laval.